Bébé, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Avec toi, la vie semble si paisible. J'ai l'impression de vivre au paradis et notre amour est si fort que l'enfer tremble. Hein. Les critiques puent dans notre dos, mais notre couple est trop beau. Depuis le début de notre histoire, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Bébé, je t'ai dit ces phrases pour te dire que je t'aime. Rien au monde ne transformera cet amour en haine. Malgré les embrouilles que l'on vit, notre couple a pu survivre. Je ne t'écris pas pour te crier combien je t'aime, car ça tu l'as déjà grillé. Bébé, tu es, je l'espère, la femme de ma vie. Même si tu ne l'es pas, ta présence me ravit. Pour t'écrire tout ça, je prends ma plus belle plume. Car pour toi, j'irai décrocher la lune. Mon bébé, je t'aime si fort. Je veux vivre avec toi, effaçons tous nos torts. Pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout. Bébé, je t'aime si fort, je veux vivre avec toi, effaçons tous nos torts, pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout. Notre histoire est si belle, et je sais qu'on fera tout pour qu'elle le reste. Bébé, tous ceux qui parlent ne savent rien de notre couple, ils veulent juste briser notre amour. Il m'a fallu du temps pour comprendre, mais aujourd'hui je sais ce que j'ai trouvé l'amour loin des tourments. Cet amour, c'est toi, et je veux te le prouver, car bébé, je veux vivre avec toi pour toujours, qu'on soit ensemble quoi qu'il arrive, je t'aime plus que tout. C'est à tes côtés que je veux vivre, notre amour est plein de joie de vivre, car on vient du paradis. Pour t'écrire tout ça, je prends ma plus belle plume, car pour toi, j'irai décrocher la lune. Mon bébé, je t'aime si fort, je veux vivre avec toi, efface tous nos torts, pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout. Mon bébé, je t'aime si fort, je veux vivre avec toi, efface tous nos torts, pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout. Je t'aimerais quoi qu'il arrive, notre amour est impossible à détruire, car bébé, notre cœur s'aime plus que tout, ça on le sait tous les deux, et on se le prouve tous les jours. Dans mon cœur t'es gravé, dans le tien je suis ancré. Ça personne ne le sait, mais pour toi je suis prêt à tuer. Pour que tu sois heureuse, je suis prêt à bousiller ma vie. Si t'es pas la femme de ma vie, tu seras la plus heureuse de ce monde vicieux qui sans cesse te rappelle combien la vie est un bon titre. Je donnerai ma vie pour te protéger, prendre soin de toi mon amour. Même si pour ça je dois crever, on s'en fout du moment qu'on s'aime toujours. Pour t'écrire tout ça, je prends ma plus belle plume, car pour toi j'irai décrocher la lune. Bébé, je t'aime si fort, je veux vivre avec toi, efface tous nos torts, pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout. Mon bébé, je t'aime si fort, je veux vivre avec toi, efface tous nos torts, pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout. Mon bébé, je t'aime si fort, je veux vivre avec toi, efface tous nos torts, pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout. Mon bébé, je t'aime si fort, je veux vivre avec toi, effaçons tous nos torts, pour vivre notre histoire, je te montre tout mon amour, car je t'aime plus que tout.